Bonjour, frères et sœurs. Et nous sommes vendredi et nous allons terminer notre chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, tu nous as tellement fait du bien cette semaine, tellement démontré qui tu étais. Et à quel point je pourrais dire, surtout dans les derniers jours, à quel point tu es un Dieu jaloux et tu n'accepteras jamais de partager ta gloire avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et nous, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Et nous adorons même cette forme de jalousie-là que tu as. Ça reflète ta personne, ça reflète qui tu es. Oh Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi. Et on a vu hier que nous sommes maintenant avec toi, dans ton temple. Et nous sommes ton peuple, maintenant et pour l'éternité. Continue à nous instruire ce matin. Car nous avons tellement encore des idées fausses au sujet de toi, au sujet de ton plan, au sujet du monde dans lequel nous vivons. Fais le ménage, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, si je peux employer ça ainsi. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul nous a dit, « Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. » Ça veut dire, ne changez pas la raison d'être de l'Évangile. C'est ma compréhension. Si l'Évangile n'accomplit pas ce qu'elle voudrait accomplir en vous, vous l'avez reçu en vain. L'Évangile a pour but de créer un peuple à Dieu, un peuple d'adorateurs, un peuple de serviteurs et de servantes. Il dit, vous n'avez pas de raison, on n'a pas été un scandale pour vous, en quoi que ce soit. Nous n'avons pas été un scandale et vous ne pouvez pas blâmer le ministère de la réconciliation qu'on a eu auprès de vous. Peu importe ce que les gens vont vous dire. On s'est rendu recommandable comme serviteur de Dieu auprès de vous, par la persévérance dans les moments difficiles, par la puissance de Dieu parce que nous agissons par le Saint-Esprit. Dans les bons et dans les mauvais jours, dans la bonne ou la mauvaise réputation, on a toujours continué. Et ceci nous rend recommandables comme serviteurs de Dieu. Et on a vu hier, ne devenez pas infidèles. Infidèles envers nous, nous rejetant, pour vous tourner vers les faux apôtres. Ne soyez pas infidèles envers Dieu. Ne soyez pas infidèles envers Dieu. Vous êtes le temple de Dieu, donc, n'emmenez pas d'idole dans ce temple-là. Restez attachés au Dieu qu'on vous a présenté, à l'Évangile qu'on vous a présenté. C'est la même vérité que Paul a dit dans Galates. Si vous acceptez un autre Évangile, ou si quelqu'un vous amène un autre Évangile, qu'il soit anathème, qui veut dire rejeté de Dieu. Et l'apôtre Paul va continuer en lisant le verset 17, et on va lire les deux premiers versets du chapitre 7. Je crois qu'ils vont ensemble, personnellement. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Paul nous a dit hier qu'il n'y a rien de commun entre la vérité et le mensonge, entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial ou Satan. Il n'y a rien de commun entre Dieu et les idoles. Il nous a dit que si nous voulions qu'il soit notre Dieu, si nous voulons qu'on soit son peuple, il dit qu'il ne faut pas avoir d'idole. On ne peut pas associer Dieu à une idole. On ne peut pas faire un mélange. On ne peut pas mélanger l'évangile avec une autre sorte d'évangile. Je me souviens toujours de John MacArthur qui avait prêché l'évangile à un moment donné dans une assemblée. Et quelqu'un est venu le voir après. Et cette personne était d'arrière-plan bouddhiste, si je ne me trompe pas. Et il dit, à partir de maintenant, j'ai un autre Dieu. J'ai une autre personne que je vais pouvoir avoir comme maître. Et MacArthur avait dit à lui-même, qu'est-ce que j'ai bien prêché pour qu'il puisse penser ça? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'il puisse penser qu'il pouvait avoir son Bouddha et Jésus en même temps? Mais ici, dans notre texte de ce matin, l'apôtre Paul a dit, au verset 17, « C'est pourquoi? » Parce qu'il n'y a pas rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas avoir mélangé les idoles et Dieu. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, il dit, il n'y a pas de compromis. C'est moi et personne d'autre. Vous ne pouvez pas m'avoir avec d'autres. C'est pour ça que un des premiers commandements de Dieu, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras pas d'idole pour les servir. Tu ne peux pas. C'est moi ou rien. Mais la repentance, c'est ça. Je me détourne de mes idoles ou de toutes les autres formes de Dieu que j'avais et je me tourne vers le vrai Dieu pour le servir. C'est ce que Paul disait quand il prêchait dans les siècles des apôtres. Détournez-vous de vos idoles et tournez-vous vers le Dieu vivant pour le servir. Séparez-vous de vos idoles. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Le mot impur ici, il ne parle pas de sexualité. Impur parle de ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est idolâtre, ce qui n'est pas pur. Un peu comme il a dit dans les Béatitudes, « Heureux les cœurs, purs, les cœurs qui sont complètement dédiés à Dieu, qui n'ont pas d'autre Dieu dans leur vie. Et si vous vous tournez vers moi seulement, uniquement, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il dit, si vous voulez être avec moi, c'est moi et rien d'autre. J'ai toute la place dans votre cœur. J'ai toute la place dans votre cœur. Vous ne pouvez pas me mélanger. Un jour, je donnais un cours à un couple. Et vers la deuxième ou la troisième leçon, le couple m'a dit, « François, on ne fera pas la leçon aujourd'hui. On a quelque chose à te dire. » Il dit, « Nous, Jésus fait partie de notre vie. » Mais pour toi, Jésus, c'est ta vie. Donc, nous, on ne peut pas embarquer là-dedans. Ils sont partis et je ne les ai plus jamais revenus. Ils voulaient avoir Dieu et un autre. Et dans ce cas-là, l'autre, c'était eux. On est prêt à prendre Dieu dans notre vie, mais il faut qu'ils partagent. Il faut qu'ils partagent la place avec nous. On ne le veut pas comme notre Seigneur Tout-Puissant. On ne le veut pas comme notre Dieu unique. On veut avoir Dieu dans notre vie, on veut avoir Christ dans notre vie, mais on veut rester, nous, en contrôle. Il dit non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez que je sois votre Père, dans le verset précédent, il avait dit, si vous voulez que je sois votre Dieu, il faut que vous sortiez du milieu d'eux. Vous vous séparez d'eux. Il n'est pas en train ici de dire qu'il faut se séparer du monde et devenir des moines bouddhistes, ou des sœurs, ou des frères religieux, s'en aller dans des couvents, ou devenir des ermites. Il ne faut pas se cloîtrer comme certains font. Il n'est pas en train de dire maintenant, si vous vous isolez dans des petites cellules et passez votre vie dans la prière, c'est ça qui me plaît. Non. Et séparer ou sortez du milieu d'eux ou séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, c'est séparez-vous d'eux dans leurs idolâtries, dans leurs faux dieux, dans leur impureté idolâtre. Parce qu'on est appelé à vivre dans le monde. Jésus dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, hein, mais de les garder du mal dans le monde. On n'est pas appelé à s'éloigner du monde, mais à vivre dans le monde et être une lumière dans le monde. Comment est-ce qu'on peut être une lumière dans le monde si on s'isole, si on se cloître, si on s'enferme? Je connais des mouvements chrétiens qui se disent, en tout cas chrétiens, évangéliques, et ils s'isolent, ils vivent en commune. Et de temps en temps, ils vont dans le monde, donner des petits traités, faire du porte-à-porte, et ensuite, ça, ils retournent dans leur commune. Ils s'isolent. C'est pas ça que le texte est en train de nous parler ici. Il est en train de nous parler d'idolâtrie, de vouloir mélanger Christ et Bélial, de vouloir mélanger la lumière et les ténèbres. Il dit non. Vous êtes une lumière dans les ténèbres. Hein? Vous êtes une lumière dans les ténèbres et non pas un mélange de lumière et de ténèbres. Vous voulez que je vous appelle mes fils bien-aimés, mes filles bien-aimées? Séparez-vous de toute forme d'idolâtrie et prenez-moi comme Dieu. Et moi, je vais être votre père et vous allez être mes enfants. Je vais être votre roi et vous allez être mes sujets. Je vais être votre Dieu et vous allez être mon peuple. C'est ça dont il parle ici. Il ne nous appelle pas à vivre en dehors du monde, mais à vivre dans le monde, ayant Dieu pour notre Dieu, lui seul. Et au verset 1, il dit, « Ayant donc de telles promesses. » Les mots « promesses » ici, fait un lien avec le verset 16 et le verset 17 et 18. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles. C'est ça. Et si vous séparez d'eux, si vous ne mélangez pas avec quelque chose d'autre, si, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah! Ici, il va y avoir différentes interprétations, n'est-ce pas? Est-ce que Paul ici nous appelle, maintenant ayant de telles promesses, travaillons à notre purification de la chair et de l'esprit et continuons à se perfectionner, à s'améliorer de jour en jour dans la crainte de Dieu. Continuons à se battre avec le péché et à diminuer le péché et devenir de meilleurs, de mieux en mieux, d'être de meilleures personnes de jour en jour, de semaine en semaine. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Quand il parle de sanctification, il parle-tu d'amélioration? Je ne crois pas que c'est le but du texte ici. Je ne crois pas personnellement. Je crois qu'il est en train de te dire, ayant de telles promesses, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons dans la vérité en Jésus-Christ. Ayant de telles promesses, il dit, continuons à marcher dans la vérité. Enlevons de notre chair, de notre esprit, de notre personne, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu, sachant qu'il n'accepte pas qu'on soit mélangé, sachant qu'il n'accepte pas qu'il y ait des idoles et lui, la lumière et les ténèbres, Christ et Bélial, la justice et l'iniquité, Sachant ça, continuons notre sanctification. Le fait qu'on avait été mis à part, qu'on avait adoré, qu'on avait professé la foi, qu'on avait été séparé du monde pour être avec Dieu, restons attachés à Dieu dans la crainte de Dieu. Continuons. Comme il avait dit un peu plus loin, sachant qu'il y a un tribunal et que chacun va avoir à rendre compte. Continuons à marcher avec Dieu. Ne changeons pas. Ne changeons pas d'évangile. N'adhérons pas aux faux apôtres, aux faux docteurs, aux antichrists, aux faux enseignants, comme ils sont appelés ailleurs. Lâchons pas. Achevons notre course. Un peu comme Paul avait dit dans Timothée. J'ai persévéré, j'ai continué, j'ai terminé ma course. Je suis allé jusqu'à la fin. N'abandonnons pas. Achevons notre sanctification. Pas achevons notre amélioration. Parce que achever notre sanctification, si on appelle ça notre amélioration, ça veut dire qu'il faudrait l'achever étant ici-bas. Il faudra avoir fini à un moment donné. Donc, il dit, continuons, ne lâchons pas. Il dit, c'est ça qu'il dit au verset 2, donnez-nous une place dans votre cœur. Il l'avait dit, là. Il dit, nous autres, vous avez la place. Notre cœur s'est élargi pour vous. On l'a vu ça, hein? Il dit, vous autres, vous avez rétréci. Il dit, donnez-nous de la place. Donnez-nous de la place dans votre cœur. Gardez-nous. Ne changez pas d'apôtre, d'enseignant, de vérité, d'évangile. Ne changez pas de Dieu. Donnez-nous de la place dans votre cœur. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. C'est ce qu'il avait dit au verset, dans le chapitre 6, « Nous n'avons pas scandalisé personne, nous nous sommes rendus recommandables en toutes choses. » Il dit, « Restez attachés à nous. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de ces faux enseignements, de ces faux évangiles, de ces faux dieux, de ces faux idoles et de tout cela. Restez attachés à moi. Persévérez dans votre sanctification jusqu'à la fin, dans la crainte du Seigneur. Sachant que si vous changez, vous serez, il ne sera plus votre Dieu, il ne sera plus votre frère, votre père, excusez. Vous ne serez plus ses enfants, vous ne serez plus son peuple. Et au tribunal de Christ, vous allez avoir à rendre compte d'avoir rejeté Dieu. Donc, persévérons jusqu'à la fin. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que de ces belles promesses. Tu es notre Dieu. Tu es notre vérité, notre lumière. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous sommes dans la vérité avec toi. Ô Seigneur, donne-nous la grâce par la vérité, par ton esprit, de persévérer jusqu'à la fin dans notre sanctification. Nous voulons arriver devant toi, dans la vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.